Alexandre, bonjour. Bonjour. Donc là, on se rencontre juste rapidement. Dans quelques minutes, tu vas présenter ton travail, genre une clôture d'image par image. Mais bon, tu sais qu'il y a Marco qui est là cet après-midi à Bulle de Rêve. Et donc, bah, voilà, je voulais savoir un peu ton point de vue et ce que tu as vécu quand tu es parti au sommet de l'animation à Montréal. Alors moi, ben, les sommets de l'animation, c'est évidemment, c'est passé par Marco. Ça a été évidemment pour moi une énorme surprise quand je l'avais rencontré l'été d'avant lors du festival d'Annecy, donc en 2013. Il avait déjà remarqué mes travaux sur Internet et autres. Et ça a été une énorme surprise quand l'été, il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir au Canada? J'ai dit, bah, écoute, c'est complètement inattendu et ça m'a énormément fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est en ça que effectivement, j'ai été accueilli absolument incroyablement au Canada, au Québec et à Montréal. T'as fait les deux Euh, édits, c'était voilà, plutôt voilà, en fait, on a été dans les deux lieux dans lesquels les sommets de l'animation étaient se proposaient. Et donc, j'ai pu montrer mes films. Et enfin, c'était une carte blanche, donc j'ai pu montrer un échantillon représentatif de mes films. Et puis, j'avais aussi choisi de montrer des films que très gentiment. Marco avait accepté voilà, que je présente les films de Jérôme et d'autres films aussi de Johanna Lurie. C'est vrai que j'ai été extrêmement touché par le regard bienveillant et aussi la vraie interrogation que portait Marco sur les travaux ben voilà, qui essentiellement avaient été diffusés et en festival et sur Internet. Ça m'avait vraiment. Bah, c'était pour moi la première fois qu'on me consacrait un programme et j'ai été extrêmement touché. Et donc, c'est aussi pour ça que, bah, voilà, comme je sais que Marco va entendre ça et que je lui avais proposé de passer à mon atelier pour lui dire merci aussi une nouvelle fois, et bah, merci Marco, puisque tu entends ce message. Et je sais qu'il y a 2 jours, c'était ton anniversaire. Je t'ai souhaité par Internet, mais je te le re-souhaite, voilà, par les ondes, par l'intermédiaire d'Alexis. En tout cas, oui, mon accueil au Canada, à Québec et Montréal, a été absolument voilà, inattendu et en même temps c'est tout ce que je trouve intéressant aussi dans les festivals, c'est qu'on rencontre des nouvelles personnes, que ces personnes soient dans l'interrogation aussi de voir comment d'autres personnes entre guillemets s'expriment par le court-métrage et l'animation. Donc évidemment voilà, encore merci Marco et puis bah, à très bientôt, on va se revoir, voilà. Merci Alexandre. Merci.